Document 10. Histoire de Tichou. Julie est assise sur un banc dans le square. La voisine, Madame Michel, lui parle. Tu as l'air triste, Julie. Qu'est-ce qui se passe? Tichou a disparu. Qui? Tichou, mon petit chat, il a disparu. Comment ça? Ben, il a eu peur quand les pompiers sont entrés dans l'appartement. Les pompiers? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La lampe halogène a éclaté et les rideaux ont pris feu. La lampe a éclaté comme ça? Sans raison? Ben, grand-père est tombé par terre et il a renversé la lampe. Ton grand-père a eu un malaise? Je crois. Pépé regardait un match à la télé. Il caressait Tichou. Tout à coup, j'ai entendu un cri et un grand bruit. Quand je suis arrivée, Pépé était par terre et les rideaux brûlaient. Et comment va ton grand-père maintenant? Oh, il va très bien. Le docteur dit qu'il a eu un grand choc à cause d'un but qui a fait perdre le match à la France. Il a besoin de se reposer. Alors, on va partir à la campagne chez Tante Mina. Mais j'ai perdu mon Tichou. Ne t'inquiète pas, il reviendra. Mais s'il revient, il ne me retrouvera pas puisqu'on sera à la campagne. Écoute, puisque tu es si inquiète, je vais chercher ton Tichou et je t'appellerai pour te donner des nouvelles.